t'es la plus bonne. Viens qu'on navigue sur le même bateau. Même quand t'as tort, j'te pardonne. Trouver des comme toi, c'est complicado. Oh,